la qu'à jouer. Auriel arc-en-ciel, oh, en bas la pour baratiner. Yes, ou tellement belle, c'est pas que la beauté extérieure, pas du tout. Oui, je te trouve belle, mais pour moi c'est un tout. Je t'aime tellement fort, c'est de toi que je suis fou. Tu me donnes la force pour que je tienne le coup. C'est pas que la beauté extérieure, pas du tout. Oui, je te trouve belle, mais pour moi c'est un tout. Je t'aime tellement fort. Voici I love you. C'est pour tout ça, oui. Aussi I love you. C'est pas sans vérité. Oh, aussi I love you. C'est pour tout ça, oui. Aussi I love you. C'est pas sans vérité. Se compter ce que je garde, enfoui au fond de moi. Depuis trop longtemps je tarde à te dicter les mots, écrire ma puce, regarde. Oui, l'amour est souffrance, mais je t'aime comme un malade. J'ai pas la force physique pour te décrocher la lune, mais je peux parfaitement te dire que tu restes l'une des trois femmes qui me poussent à abuser dans mes réserves. Quand je manque de force face à tout ce qui m'énerve, parfait, pas bon, d'autres femmes, c'est où qui number one. Pas sans vérité, oh, oh. C'est mon qui la qu'a joué. Auriel arc-en-ciel, oh. En bas la pour baratiner. Yes, ou tellement belle. C'est pas que la beauté extérieure, pas du tout. Oui, je te trouve belle, mais pour moi c'est un tout. Je t'aime tellement fort, c'est de toi que je suis fou. Tu me donnes la force pour que je tienne le coup. C'est pas que la beauté extérieure, pas du tout. Je te trouve belle, mais pour moi c'est un tout. Je t'aime tellement fort, c'est de toi je suis fou. Tu me donnes la force pour que je tienne le coup. C'est pas que la beauté, non. Ah. Oh non, non. Aussi I love you. Aussi I love you. Aussi I love you, baby. Five.